En ce troisième jour de Floréal, tu es sur la route vers un petit hameau. Un hameau oublié au bout d'une route pentue qui gravit avec peine la montagne. Une montagne qui semble infranchissable. Les gens ici l'appellent le Mont Tonnerre. Elle domine la grande forêt noire qui s'étend dans la plaine d'où tu viens. Elle domine tout alentour. C'est une montagne immense, boisée, et où les rares habitants qui cherchent à y vivre doivent peiner tout au long de l'année pour récolter les maigres fruits de leur labeur. Le troisième jour de Floréal, c'est le jour de la fougère. Et celles-ci sont présentes tout autour de toi depuis le matin. Le long de cette vieille route empierrée qui mène vers les hauteurs. Depuis au-delà même de Pluviose, les gens du hameau où tu te rends, ces gens dont tu ignores, pour ainsi dire, tout, n'osent plus se rendre dans le bois, ce qui ne facilite guère leur vie. La forêt, pour eux, c'est l'endroit où ils peuvent prélever leur bon bois qu'ils vendent au foire, au bas dans la plaine. Ce sont des gens de peu, mais d'habiles artisans, habiles de leurs mains à travailler le bois, habiles de leurs mains à débiter des planches, ne reculant pas devant l'effort. Les seuls à cheminer sur leur schlitt leur étrange véhicule, le bois depuis les essarts jusqu'au bas dans la vallée, sur ces rails de bois que seuls les plus intrépides d'entre eux jugent bon d'utiliser. Leur chargement impressionnant lesté sur la schlitt derrière eux, des grumes, du bois tout juste découpé à la scierie, chargé en masse sur leur grande luge qu'ils retiennent de leurs jambes sur le train de bois et descendant la pente, freinant au moment le plus opportun pour ne pas verser. C'est un métier qui requiert adresse, détermination, un savoir-faire que seuls quelques-uns détiennent encore. Ce sont des gens précieux, mais taiseux. Dans la vallée, les gens du chemin du roi, on les juge un peu rustres. Des ours, des malappris. Ils ne connaissent pas les bonnes manières, ils sont aussi rustes et mal dégrossis que le bois qu'ils descendent sur leur schlitt. C'est ce qui se dit, mais on sait aussi combien leur apport est précieux aux gens de la vallée, qui n'hésitent pas à leur offrir en échange tissage et tout ce qu'ils savent faire, eux, en bas. Tu as marché dès l'aube, depuis le bas de la vallée, suivant la sente envahie par les fougères, suivant de loin en loin les méandres qu'affectent ce rail de bois dont tu as entendu parler, que tu as vu parfois utiliser sur les dernières pentes le fier homme revêtu de son chapeau traditionnel, sa chemise de lin éclatante, sa petite redingote, ses gros sabots qui freinent bien la schlitt. Des gens impressionnants, mais tu n'as jamais eu l'occasion d'aller jusque dans les hauteurs de la montagne. Et c'est le mois de Floréal, le mois où se répandent les pollens, où tout autour de toi tu entends vrombir plaisamment les premières abeilles sorties de la forêt grise. La brume peine à se dissiper alors que tu arrives enfin à bout de souffle, même en ayant pris tout le temps nécessaire pour gravir la pente, ménageant de nombreuses pauses, à bout de souffle dans la haute vallée, leur mère, comme ils l'appellent, où ils ont établi leur ferme et leur scierie. Et donc, depuis pluviose, on dit que le bois ne vient plus. On a plus vu descendre les plus jeunes, ceux qui ne sont pas partis, ceux qui n'ont pas répondu à l'appel du roi pour garnir son armée aux frontières. Parce que tu te rends dans une communauté qui t'est inconnue. As-tu coutume de donner ton nom et ta qualité, ou y viens-tu en toute humilité, te mêlant aux gens pour apprécier ce qu'ils sont? Je... reste discrète comme une vulgaire inconnue. Je erre pour savoir si il y a un problème et pour pas voir le faux visage des gens qui veulent faire bonne impression. Le masque qu'ils enfilent dès qu'ils voient une personne importante. Je veux voir leur vrai visage pour mieux trouver le problème. Je ne veux pas qu'on me mente. Alors que tu viens de reprendre ton souffle, tu entends au loin, pas si loin, ça s'approche et arrive jusqu'à toi, un chien qui aboie et tourne autour de toi avec impatience, devançant son maître qui te rejoint en dévalant la pente, sautant parmi les hautes herbes. Dame, vous êtes égaré ! Ah, je dis ça, je dis rien, hein. Vous avez suivi la route. C'est ça ? Oui. Mais... Ah, vous avez un joli sourire, dame. Merci. Vous savez s'il y a d'autres personnes ici? Oui, il y a d'autres personnes. Il y a de l'ouvrage. Si vous voulez vous joindre à nous, il y a de l'ouvrage. D'accord. Si vous reculez pas devant l'effort, je trouverai à vous employer. C'est un jeune garçon. Il a tout au plus 15 printemps. La chevelure hirsute, il a encore accroché dans ses cheveux ébouriffés des feuilles, une branche, des brindilles. Il a déboulé, dévalé la pente raide d'un coteau qui voisine la route. Il a au côté une vieille gypsière toute rapiécée, ravaudée de toutes parts. Un regard rieur, il est tout maigre. Ou peut-être est-ce parce qu'il était lancé. Tu lui as donné 15 printemps, mais peut-être est-il encore plus jeune. Il a tout juste un duvet sous le nez qui pointe. Et il fait mine de repartir, se ravise, ramasse un bâton, le jette au loin pour éloigner le chien qui en grommelle et tourne autour de vous. Et s'est arrêté droit à l'affût, la queue dressée, marquant l'arrêt sur ton précieux, ta précieuse gypsière qui contient tes simples. Vous avez l'air d'avoir une chose qui intéresse le boubi, là. Vous avez des trésors dans vos affaires? Non. Ah, je peux vous aider, dame, je peux vous porter votre sac si vous voulez. Non, ça va aller, je peux prendre mon sac. Allez. C'est gentil quand même, mais non. Hey, Bobby, importune pas la dame, toi. Et jette au loin son bâton, après l'avoir bien sollicité. Le chien s'élance et revient vers vous. Alors que vous gravissez la pente, Dites, c'est quoi votre nom de dame? Frougissez. Ouais. Ça vous va bien, hein, votre teint, hein, dame. J'en ai pas spécialement, pourquoi? Vous avez pas de nom? Pas spécialement. Les gens qui me connaissent, mes connaissances, m'appellent... C'est un petit surnom pour me taquiner, car ils me connaissent vraiment depuis toute petite. Ils m'appellent Gamine, mais... Gabille? Gamine. Gamine? Mais c'est pas vraiment un nom. Gabille, ça allait bien, hein, c'était joli, mais... Comme vous voulez, hein, faites ce que vous voulez. Ce que je voudrais? Non. Vous avez... Méfiez-vous, méfiez-vous, madame. Vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Ce que je pensais en disant ça. Ah ben, moi je suis point un maître des esprits, je lis pas dans l'esprit des gens, hein. Vous méprenez pas, hein. Mais vous avez les yeux de la Marguerite. Ça vous gêne si je vous appelle Marguerite? Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi c'est Fenouille. À votre service, dame. Prénom original. Non. Mais t'as pas le droit de... Okay. Je te rappelle que tu n'as pas le droit de noter l'emplacement. D'accord. Je te désigne lorsque tu établis un lien. En revanche, lorsque tu rencontres un lieu, un objet, une personne significative, je vais désigner la carte. Et pour la révéler, il faut que tu établisses un lien particulier avec la personne. D'accord. Mais je t'ai désigné l'emplacement de la carte. Et je peux noter son nom? Ah oui, bien sûr. Ça, t'es tout à fait en droit de le faire. Mais... Mais en même temps, ce qu'il faut retenir, bien évidemment, c'est son nom, mais un peu ce qu'il est ou ce qu'il est pour toi. C'est ça qui est essentiel. Donc son nom, c'est Fenouille. F-E-N-O-U-L. N-O-U-I-L, pardon. I-L. Oui. Ça, c'est Fenouille, c'est pas la même chose. Je vais pas vous mentir, hein, mais y a pas grand monde, hein, qui reste ici parce que la plupart ils sont partis pour l'effort de guerre. Les hommes là, c'est pas des déserteurs, hein, c'est tout sauf ça. Au printemps dernier, ils ont été recrutés et ils ont intégré les régiments de la marche. C'est pas le moindre des régiments, hein. Et là, il faut savoir aller au pain. Hein, regardez, tu marches bien. Hein. Bon, j'ai pas l'uniforme, hein. Ça fait quand même quelque chose, hein, d'avoir l'uniforme. Moi, j'ai pas l'uniforme. Hein. J'ai pas la tenue. Mon grand frère, il est parti. Et je suis sûr qu'il a même pris du grade. Parce que mon grand frère, il est très très fort. Vous êtes trop jeune, non? Bah non. Vous avez quel âge? J'ai... Sans être indiscrète. Vous pouvez me dire tu, hein, madame? D'accord. Ça me ferait plaisir. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans, madame. 14 ans? Mais à 14 ans, on peut aller servir son roi, hein, le roi. Oui. Servir le roi, c'est un devoir pour chacun. Hein. Oui. Je vois. Donc, vous aimeriez bien y aller? Ah, j'aurais bien aimé y aller, mais. Mais. Mon grand frère. Il m'a dit qu'il fallait que je m'occupe de la ferme et des labors, ma mère. Mais moi, bien sûr, je dois obéir à mon aîné, hein, à être. Il est important pour moi. Que serait-on si je ferais qu'un sale mioche, un sale moutard, si je manquais à mon devoir auprès de mon frère. Donc mon frère, il m'a dit que j'étais plus utile ici à m'occuper du potager et du poulailler que à l'accompagner. Mais je me suis entraîné, hein. Quand eux ils reviendront, il faudra bien la relève. Et ben moi je serai la relève. Et tant le torse qui tire sur ses tissus, et tu vois ses côtes maigres qui saillent sous le tissu qui en fait est une vieille cotte de lin qui a été rapiécée maintes et maintes fois, une chemise qui normalement se porte large, c'est la coutume, la chemise blanche que j'évoquais tout à l'heure. Il a aussi le petit gilet noir qui, là, dans le mouvement, est tiré vers l'arrière. Et tu vois la chemise qui a dû être belle, mais qui a été reprisée maintes et maintes fois, et qui laisse apparaître ses côtes saillantes. C'est pas l'image que tu te fais du grand soldat au large torse. Il est plutôt maigrelet. Il est vraiment maigrelet. Puis-je te poser une question? Je sais. Bien sûr, Marguerite. Tu as assez de nourriture, d'argent, de quoi te payer des choses, non? Ah bah, on mange sa faim, bien sûr, ici. Sinon, je vous aurais pas proposé, ça aurait pas été honnête de ma part. J'aurais été un duo de vous dire de venir parmi nous si on n'avait pas de quoi vous nourrir. Bien sûr, on pourra vous proposer la soupe ce soir avec nous. C'est gentil. Alors, ce soir, c'est les bords qui préparent. Alors, ce sera topinambour, un peu de fenouil, du tubercule, et il devrait même y avoir quelques petits morceaux de lard. D'accord. Ça tient encore. Et puis, peut-être qu'elle nous fera une petite touffée, une petite poêlée avec des tubercules, et puis un peu plus de lard. Ça, c'est bon. C'est bon. Si j'ai bien compris, vous avez... Il est juste sa houtote. L'espèce de panier d'osier à sangle qu'il porte sur le dos et dans lequel repose un lourd fagot de bois qui ne cesse d'osciller à mesure qu'il s'agite autour de toi de façon presque symétrique au mouvement de son chien qui lui aussi s'agite et revient vers Tessa. Bien compris, tu t'occupes d'une ferme, non? Oui, je m'occupe de la ferme, bah oui, parce que c'est plus le moment. Ouais. Oui, bah, il faut bien s'occuper de la ferme, sinon on n'a rien à manger ici. Hein. Vous avez vu, il y a le bois, bon, on peut aller piéger quelques lièvres, il y a des blaireaux, il y a plein de choses hein, qu'on peut aller. Qu'on peut aller piéger, mais on a du garenne, on a nos vaches hein, au village. D'accord. Il y a la brimbelle qui s'occupe des vaches. D'accord. La brimbelle, elle vit un peu à l'écart, à la grande étable à la sortie du hameau. D'accord. Vous avez une table chacun ou c'est une table pour tout le monde? Ah non, c'est sont les chacun lui confie les vaches, c'est elle qui les mène à la pâture. D'accord. On risque de la croiser en montant au village. Bon. Vous occupez des vaches, vous? C'est pas trop ma spécialité. Non, vous avez l'air d'être une femme qui sait plein de choses, vous. Moi, je demande qu'à apprendre, hein, madame. D'accord. C'est pas trop lourd pour vous, ce... Oh, non. J'ai l'habitude, et puis ça me fait de l'exercice, hein. Comme ça, je serai là pour la relève, hein, madame. D'accord. Voilà, toujours prêt. Vous avez l'air sûr de vous. On peut pas se dérober à l'appel de sa pureté, hein. Non. C'est une chose importante, ça. Je connais pas les paroles encore, mais j'ai retenu l'air quand ils sont venus. J'ai retenu l'air, mais j'ai pas mémorisé toutes les paroles, mais j'apprendrai. J'ai une bonne mémoire, hein. Donc, votre frère a fait la guerre? Bah, il fait la guerre. Vous avez connu la guerre, vous? Non. Ils ont appelé, ils sont venus jusque chez nous pour chercher des braves gars comme mon frère, parce qu'il est costaud. Et il est parti, ça va faire un an. Puis-je vous dire quelque chose? Je voudrais vous dire qu'il ne faudrait pas trop s'exciter au ce sujet-là, car ce n'est pas ce que vous croyez, c'est sérieux. Je dis pas que vous n'êtes pas sérieux, mais... Ah non, je suis sérieux. Je sais, je suis tout à fait consciente. Mais ce n'est pas comme les histoires. Les gentils ne gagnent pas toujours et les méchants ne sont pas tout le temps... Il n'y a pas de gentils ni de méchants, c'est ça que je veux dire. Et on peut perdre des êtres chers, voire sa propre vie. Ah, mais je suis prêt à donner à ma vie pour mon roi, c'est mon devoir, madame. D'accord. Mais ce n'est pas si facile. Ne donneriez-vous pas votre vie pour votre roi? Pour le roi, sa pureté? Si, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je ne donnerais pas ma vie. Mais ce n'est pas si facile qu'on le croit. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il nous manque. Il nous manque un être. Il nous manque terriblement, en fait. Je veux bien être la relève, hein, madame. Mais je dois dire qu'il me manque, mon frère. Je comprends. On a tous un être qui nous manque. Vous aussi, vous avez perdu quelqu'un? Oui, pas qu'une d'ailleurs, mais bon. Ah, mais... Vous pouvez venir parmi nous, on sera un soutien pour vous, madame. Oui, mais voyez, je voyage beaucoup. Vous êtes une grande voyageuse? En quelque sorte. Ah, peut-être que vous trouverez la soupe bonne et que vous resterez quelque temps avec nous, madame. Peut-être, on verra. En tout cas, ce sourire, il me dit que oui, il y a peut-être... C'est peut-être possible. Hey, t'as entendu, Bobby? Il y a une personne qui dirige le village? Ah bah, c'est un peu ma mère qui est un peu comme la doyenne. C'est elle qui sait quand il faut semer, ce qu'il faut semer, où il faut semer, où on doit gratter la terre. Hein, c'est elle qui dit tout. Et puis on fait, moi je suis une femme totale, hein. Elle est partie, elle est là, elle est au village. Elle est au village. Elle prépare le repas du soir, là. Mmh. Hein, parce qu'elle avait... Elle était un peu triste ce matin. Alors, elle avait pas le cœur à aller au champ. Elle a envoyé ma belle-sœur, l'épousée de Hêtre. Mmh. RL. D'accord. Elle l'a renvoyer à sa place au champ parce qu'elle se sentait... Et parfois comme ça, il y a des moments où elle pense qu'à être et son regard, il est... Il est un peu triste comme le vôtre tout à l'heure quand vous avez parlé des gens qui sont... que vous avez perdus à la guerre. Il y avait une lueur, une buée dans vos yeux. J'ai vu, hein. Il voyait pas mal, madame. Non, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas de père. Le père, il est mort hier. Je suis désolée. J'étais tout petit. Ah, d'accord. J'ai pas vraiment de souvenir du père. Je me souviens simplement de ma mère qui me disait, ah, ton père, il aurait pas laissé passer ça, hein. Ça, elle est morte, elle me l'a dit souvent, hein. Et puis, elle est pas avare en... Je dirais bon compliment, hein. Parce que elle est pas tout à fait d'accord, je dois vous dire, hein. Elle est pas tout à fait, et continue ma manche. Elle est pas tout à fait d'accord, pour que j'aille, vous comprenez, madame? Mais je la comprends un peu. Elle a déjà un fils qui est parti, il y a... Faudrait pas qu'elle perde l'autre. Ouais. Oui. Quelle. Oui, c'est vrai. Mais bon. Ouais, c'est en plus. Je ne dis pas qu'il va mourir, je ne veux pas conclure des conclusions hâtives, mais bon. Quel âge a votre frère? Je voudrais pas me mêler, mais. Il a 20. Il va avoir 25 printemps, je crois. 25? Ouais. J'ai une bonne mémoire, mais pour les choses qui comptent. D'ailleurs, il faut pas que j'oublie. Je dois aller chercher. Je dois porter le fagot à Térémente. Après, je dois remonter pour aller vérifier le chemin de Schlitz. Et ensuite, il faut que j'apporte un peu de charbon. À qui déjà? À qui déjà? Ah, vous voyez, je suis bien occupé. Alors, si vous restez parmi nous. Dame, je pourrais peut-être vous aider, ça me dérange pas. Ce serait gentil à vous. Mais la soupe, elle est bonne. Je vous crois. Si vous dites qu'elle est bonne. Et puis, qui sait, on pourrait, vous pourriez trouver des amis parmi nous. Qui vous feraient peut-être oublier la buée que vous avez dans l'œil. Oui. Hein, madame? Ça m'étonnerait, mais bon. Sommes-nous encore loin ou... On dépasse le coteau, on monte encore un peu, il y a le petit raidillon et on y sera, hein, madame. D'accord. À mesure que vous gravissez la pente, tu vois sur ta gauche, dans la vallée, là où la forêt s'écarte pour laisser place à un torrent de montagne qui vient jusque dans l'espèce qui vient jeter dans le lac qui borde le village où tu te rends, le hameau le pré du roi. Sur la hauteur, sur la gauche, il y a un grand bâtiment massif de bois, dissocié du hameau à proprement parler, constitué de grandes maisons massives avec des toits particulièrement pentus qui voisinent le niveau du sol, qui descendent jusqu'au bas. Il y a tout un réseau de conduites de bois qui détournent des à mesure que qui détournent des le cours de la rivière pour venir alimenter chacune des maisons. Et vous, sur les indications de Fenouil, tu te rends sur la dernière maison à côté, à la pente, une grande maison plus massive encore que les autres, avec quelques dépendances, et notamment un grand atelier sur la droite de la maison, avec un puits de lumière qui donne dans celui-ci. Et Fenouil te laisse pour partir aussitôt avec son chien livré son fagot sous les réprimandes d'une femme d'une cinquantaine d'années. Elle te semble âgée, vraiment âgée. Mais elle se tient relativement droite, à la même stature que celle que tu devines pour futur à Fenouil quand il sera homme, parce que là c'est encore un genou, mais lorsqu'il sera homme, tu vois en lui ce qui sera l'un de ces grands hommes que il t'est arrivé de voir dans la vallée descendre la Schlitt, haute stature, mais pourtant elle se tient droite, avec quelque chose dans le positionnement de sa tête, le port de sa tête, la façon dont ses bras retombent comme un poids qui pèse sur elle. Elle est vêtue de façon traditionnelle, avec de grandes robes noires et un col plissé blanc, une chemise blanche au-dessous, un châle passé sur les épaules, et elle est assise sur un haut tabouret et elle fait osciller d'un doigt au moment où vous êtes arrivé avec Fenouil. Elle faisait basculer un berceau de bois, un bois lustré, lumineux, d'une couleur de miel. L'arceau, la face qui était face à toi, luisait dans l'axe du puits de lumière, une très belle patine, une forme épurée, simple, évidente, et tu entendais crisser sur l'établi à peine le berceau sous l'impulsion de son doigt, l'a lâché, le berceau a continué sa course de métronome quelque temps, à mesure qu'elle redonnait ses instructions, manifestement pas pour la première fois au jeune Fenouil. Alors, jeune fille, vous voilà sur la route, et vous vous proposeriez de nous aider ? Oui. Il y a de nombreux travaux et tâches, comment dire, oubliées. Oui ? Mais vous avez quelle sorte de travailleur ? Quelle sorte ? Savoir à peu près ce qui vous manque, car je peux peut-être compléter quelque chose. Il y a du bois à ramasser, comme peut le faire Fenouil, mais le carré de potager, c'est le moment de travailler la terre. Il y a du miel à récolter en forêt. D'accord. Et oui, il y a du miel à récolter en forêt. Et il y a les ruches sur les hauts à relever. Vous y connaissez C'est pas trop ma spécialité, mais je veux dire, vous avez des personnes qui... des bûcherons qui sont spécialisés, je sais pas, des personnes qui s'occuperaient de certaines tâches. Pas des... Vous savez, c'est la guerre. Oui, il vous manque des choses. Juste comme par hasard. La Syrie est à l'arrêt. Mais oui, nous continuons à débiter notre bois, mais nos travaux, c'est essentiellement les travaux de la ferme. Il y a de quoi faire, il y a de quoi vous employer, n'ayez crainte. Et la table est bonne, vous n'aurez pas à vous en plaindre. Tout le monde est en bonne santé, ici. Une fois que je sache, oui. D'accord. Les esprits me... préserve, s'incline. À part la guerre, il n'y a aucun problème. Ma foi, oui. D'accord. Les choses sont courtes, même si on pourrait souhaiter que la cigogne ait mis un peu plus de jugeote à ce marmot au cerveau qui fuit. Faites quoi spécialement ? J'ai quelques dons pour le bois, mais en ce moment je n'ai guère l'espèce là. Mais suivez-moi, si vous voulez nous aider, nous allons retrouver ma bru RL. Et nous allons... suivez-moi. D'accord. Je suis. Donc, des manières... elle a commencé sa phrase sans même soutenir ton regard. Il lui semblait manifestement évident que... elle avait ton assentiment et que tu lui obéirais. Elle est, à défaut d'être la doyenne ou la maîtresse du bourg, elle est habituée en tout cas en son logis à être écoutée. Vous quittez la maison pour aller rejoindre le potager où s'active une jeune femme d'un peu plus d'une vingtaine d'années. Qui t'est présentée comme la Mabru. Elle va vous instruire sur ce que j'attendrai de vous. Vous aurez le logis, vous pourrez trouver à vous occuper avec elle, prenez vos ordres auprès d'elle et vous souperez avec nous et déjeunerez avec nous. D'accord. J'ai une pièce qui pourra vous accueillir avec un bon lit et des draps frais. La jeune femme qui t'accueille a quelque chose comme 25 printemps. Elle porte de longs cheveux qu'elle a tressés. Elle a de longs cheveux qu'elle a tressés. Elle porte la même robe qu'elle tenait levée pour travailler la terre et tu as vu ses sabots qui à laquelle la terre grasse colle elle t'accueille avec au contraire de sa belle-mère un regard d'attention, elle te dévisage de la tête aux pieds. Bonjour, je m'appelle Erel. Heureux de la rencontre. Bienvenue dans notre petite communauté. Tu peux m'appeler Erel. Pas de formalité entre nous, bien évidemment. Et elle sourit pour ponctuer sa phrase. Et les bords à équiper, eh bien, joins-toi à moi. Après, il y a de l'ouvrage à ne plus que savoir qu'en faire. On travaille un petit peu et puis, si tu veux bien, je te montrerai mon logis. D'accord. Est-ce que cela te convient ? Oui. Donc, vous passez une partie de l'après-midi à ferrer dans le potager, à ôter les mauvaises herbes. Tu avais les jambes quelque peu endolories de ta marche de la matinée à gravir la pente, et là, penché sur le terrain lui-même en pente, à arracher toutes les herbes adventices, à écarter la terre, retourner. Ah, tu ne sens plus ton dos. Tu ne sens plus ton dos, tu peines vraiment. Oui. Plusieurs fois, elle te retient. J'ai pas l'habitude, moi. Oui, je vois que tu n'es pas vraiment encore accoutumé à l'ouvrage. C'est pour ça que j'avais envisagé que nous changions un peu de poste. Il y a maintes choses à faire et bientôt, oui. La Brimbelle viendra. Et peut-être qu'elle nous rejoindra. Toujours est-il qu'on variera les postes et ça soulagera ton dos. Vous poursuivez néanmoins l'effort suffisamment pour que et ton dos te cuise et tes mollets se ressentent de tous ces efforts conjugués. Tes bottines sont toutes détrempées et crottées. La terre est épaisse. On y a manifestement adjoint moult lisier fumier. L'odeur y est forte. Sans avoir été te risquer jusqu'au poulailler ou au clapier, il y a cette même odeur qui exhale la terre que tu retournes. Lorsque elle dit que ça suffira pour la journée, tu en es vraiment convaincu. Mais elle part d'un bon pas et c'est au bout d'un moment où elle parlait des fleurs qui ornent la prairie juste sur les hauts de belle façon, qu'elle se rend compte qu'elle t'a semé et laissé au bas de la porte. Ah, wow, excuse-moi, je n'ai pas l'habitude de ton pas. Elle revient vers toi, elle te prend par la main, allez, viens avec moi, nous allons faire quelque chose de peut-être plus plaisant, peut-être pourras-tu m'aider, es-tu doué de tes mains, et je ne t'ai pas demandé ton nom, je suis désolé. Oui, de toute manière, je l'ai déjà dit, Fenouil, si vous le connaissez. Oui. Oui, c'est un peu logique que vous le connaissiez. Oui, c'est le frère de mon époux. Alors, c'est votre époux qui est parti à la guerre. Pas que lui, de nombreux, tous les hommes valides du village ont répondu à l'appel du roi. Ce qui explique que les travaux soient un peu à l'arrêt. Et vous arrivez devant une petite cabane, tout en devisant. Une petite... Mais en fait, c'est une maison à demi achevée. Il y a deux pièces qui sont ménagées, déjà cloisonnées, mais il reste encore beaucoup d'ouvrages. Je vais vous répondre, mais je n'ai pas spécialement de nom. Après, Vous êtes une étrange voyageuse. Oui, je sais. Vous n'êtes pas la seule à me l'avoir dit. Il vous plairait qu'on vous nomme. Du coup, voilà. Je n'ai pas de préférence. C'est tout de même le nom par lequel on vous appelle. Oui, mais vous savez, j'ai eu droit à toutes sortes de surnoms. Et quel est celui qui vous convient le mieux? Mais je n'ai pas de préférence, en fait. Faites ce que vous voulez de mon nom, même si... Tant que ça m'insulte pas au sens propre, ça me va. Je réfléchis. J'ai jamais eu à donner un nom. Alors je sais bien que les bords, c'est assez étrange, bon, je sais. Même si nous avons célébré nos épousailles avec avec être. Nous n'avons pas eu à. Je n'ai pas porté encore la vie. Il est parti avant. De porter la vie, serait-ce réellement un plaisir? Vous voyez, la vie est étrange. J'ai épousé être, nous avons commencé tous les deux à bâtir cette maison que je vous propose. Si vous voulez bien m'y aider. Il y a encore plein de choses à faire et vous voyez, tout s'est arrêté. Il est parti. La guerre me l'a ravi, emporté. Elle t'observe à nouveau, puis vous permettez, et elle saisit ton collier. Et elle regarde la pierre, c'est une ravissante pierre que vous avez là. Merci. Elle a de jolis reflets. Oui. Elle est d'un noir intense. C'est pâle, si cela vous convient, car quand je vois votre visage, souvent je vois le sourire poindre. Et votre sourire illumine votre visage, comme les sépales illuminent la fleur. D'accord. Et elle t'a regardé intensément. C'est un geste vers toi comme ça et Elle essaie ses doigts courir, le bout de ses doigts courir sur ta joue. C'est pâle. Cela vous convient ? Oui, cela me convient. Et vous passez l'heure qui suit. Elle parle sans cesse, mais sans vraiment que ses phrases s'achèvent, sans qu'une autre commence à demi. Elle s'active dans la maisonnée, te montrant tout ce qui manque ou tout ce qu'elle... Ah, mon Dieu, je n'ai pas le talent. Et les bords, elle sait y faire avec le bois. Je n'ai pas son talent et je n'ai plus le bois que me ramenait être. Je récupère quelques vieilles planches qui restent à la scierie que me ramène le fenouil, mais ça ne fait pas la même chose, vous voyez. Mon parquet, là, il n'est pas... tellement fini. Oui. C'est disgracieux, ici. J'ai pas l'allant non plus de poncer des heures. C'est vraiment étrange. Quand j'y suis, et quand je vois la maison... J'ai envie qu'elle soit telle qu'on l'avait envisagée en courant le long du rue, mais en même temps, à quoi bon ? Il n'est plus là. Je suis sûre qu'il va revenir. Vous le pensez ? Oui. Je suis sûre. Puis enfin, je l'espère pour vous. Là, tu vois qu'elle a... Elle regarde, elle détourne le regard de toi, puis elle porte son regard vers... Ce devrait être vers le plafond. Elle se sent... Elle a juste celui-ci et regarde la fenêtre. Il y a une larme qui est née... juste à l'angle de son œil, et à peine a-t-elle coulé sur sa joue que tu vois un sourire se illuminer son visage. Ah, voilà Brimbelle. Voilà Brimbelle. C'est elle qui s'occupe de nos vaches. Vous verrez, elle est gracieuse d'un abord agréable. Et une jeune fille à la chevelure ondoyante arrive en sautillant devant la maisonnée. Elle a beau avoir de lourds sabots aux pieds qui accrochent dans la terre. Elle a un pas gracieux et elle arrive et s'arrête interdite en te voyant par la fenêtre. Ils échangent toutes deux un regard. Tu ne vois pas, tu vois simplement de dos. RL au chef du chef et Brimbelle rentre dans la maison. Bonjour. Bonjour. Je te présente Sépal. Elle est parmi nous pour quelque temps. Elle vient nous prêter son aide. Une gentille fille qui court les sentes. Il y a un flottement entre les deux. Elle se regarde, elle s'approche distraitement et te fait la bise avec allant. Trop d'énergie. Moi, c'est Brimbelle. D'accord, bonjour. Il y a une odeur musquée qui l'accompagne, une odeur chaude de lait, de bouse, de... Une odeur bizarre. Un mélange qui ne peut te laisser ignorer à quoi elle a occupé sa journée et l'endroit dont elle vient. D'évidence, c'est le moment où, entre chien et loup, où le jour décline et où il doit être temps de rentrer. Elle a dû rentrer les bêtes avant de venir vous rendre visite. Je vais vous laisser. Mais non, sois pas bête. On va aller manger chez la et les bords. Joins-toi à nous, Brimbelle. Et elle la retient par la main et puis elle te prend la main aussitôt. Allez, venez. Oh Dieu. Et vous partez toutes les trois. Et Brimbelle vous tracte en riant. Allez les vieilles. Elle est beaucoup plus jeune, elle a le teint encore presque d'une enfant. Elle a plein de taches de rousseur, un grand sourire éclatant qui illumine son visage. Elle a l'air toute joyeuse après l'espèce de moment étrange quand elle t'a vu en compagnie de son ami Erel et à un moment elle s'arrête tout essoufflée, vous reprenez votre souffle et puis normal. Ah, je sens qu'il y a quelque chose chez toi. Tu me caches un truc. Oh, mon Dieu. Non, je ne cache rien. Oh. Je suis une fille tout à fait normale. Je suis sûre que t'as plein de talons cachés. Si tu le dis. J'en suis convaincue. Et elle de plus belle, de pire dans son sillage. Tu as peine à suivre avec la journée dans les jambes, mais en même temps, c'est plaisant. Elle a une joie communicative. Qu'est-ce qui te mettrait en retrait par rapport à son attitude? Qu'est-ce qui ferait que tu serais dans la retenue? Le cas échéant, je ne sais pas. J'ai pas trop l'habitude d'avoir des relations avec une personne énergique, on va dire. Très sûre d'elle, très lumineuse, très... tout l'inverse de moi, quoi. Et pour toi, est-ce plaisant ou c'est un peu déstabilisant Je suis... T'es un petit peu mal à l'aise? Un peu, mais c'est très léger, je sais. D'accord. Ça fait du bien. Bon, c'est bien savoir que qu'il y a encore des gens comme ça, quoi. Sans eux, je sais pas ce qu'on ferait. C'est important. Dans le même temps, tu n'as pas entendu beaucoup de bruit. C'est une réflexion que tu te fais en revenant. Là, vous enfin vous marchez. Son énergie a été. Enfin. Et en fait, elle est en train de discuter à voix basse. Elle chante à l'oreille. Elle parle sur moi, ça c'est sûr. Elle parle sur moi. Je connais ce genre de personne. Comme ça, sous couvert de sa main. Et qu'est-ce que tu fais avec elle? J'ai entendu. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Non. C'est quoi ça? Et tu as entendu un claquement de langue agacé de la part d'Erel qui se tourne vers elle. Travaille. Hein? Oh mon Dieu, dans quel trou je suis tombée. La réflexion dans laquelle tu étais, ou l'idée qui curieusement avait surgi, c'est que tout semblait presque... désert, silencieux, le calme auquel tu aspirais tant quand tu étais dans cette bourgade dans la vallée, au Mers. Là, c'est effectivement ce que tu as entendu. C'est le silence, vous n'aviez que vos souffles mêlés dans l'effort. Ensuite, les bruits du marteau que tu as manipulé, du rabot quand tu ponçais avec Erel. Et d'ailleurs, tout est rutilant, en parfait état. Le parquet que tu as poncé, on y a déjà posé sur l'autre partie, la pièce qui est totalement aménagée, il est immaculé, il reflète l'époudroiement du soleil. Ici, tout semble harmonieux et dans le même temps, d'une certaine façon, silencieux. Étrangement silencieux, calme, comme absent, ou du moins tu as entendu plusieurs fois Erel parler du départ de être, l'absence des hommes sur laquelle tu l'as questionné, et en fait tu l'as ressenti. Ce qui manque, c'est le bruit des outils qui ferraille partout autour. Dans la journée, on s'active et là, vous étiez quasi seul tout le temps. Toutes les deux avec Erel, puis là, sur cette brève course folle jusqu'à la maison d'Elébor, là, il y a eu des rires, des cris, quelques voix, un peu de vie, en dehors des arbres, de la forêt qui vous entoure, des fleurs, dont Erel a souligné la présence tantôt. C'est, oui, une absence qui s'est révélée à toi, alors que vous étiez là pour le coup. Trois jeunes filles, jeunes femmes, jeunes filles pour Brimbel, pleines d'énergie, un peu plus compassées pour Erel, et toi sur ta réserve. Vous arrivez donc au logis. Cela sent les odeurs de cuisine, de divers plats mêlés de façon harmonieuse, et tu as faim, tu as faim, tu es prête à dévorer, et on te sert dans un gros bol de bois une épaisse soupe qui dégage un fumet alléchant, où nage effectivement, comme te l'a promis Fenouil, qui est lui aussi présent à table et qui attend d'être servi et qui te voit servi avant lui à son grand dame. Tu ne m'oublieras pas, mère. J'ai quand même travaillé, hein. Tu as encore oublié le fagot. Fils, je devrais oublier de te servir. Fils. Mère, s'il vous plaît, je ferai plus le duo, promis. Je livrerai le fagot demain. Oui, demain, encore demain. Allez, pour ta peine. Et elle le sert, mais effectivement un peu plus chichement qu'elle ne t'a servi. Elle t'a servi une assiette, un bol. Grand bol de bois comme ceci, rempli à ras, et à côté, elle a déposé une petite assiette dans laquelle elle a répandu des tubercules grillés avec des petits morceaux de viande. Un couteau est posé à côté, une grosse cuillère de bois, et ta faim pour t'attabler. C'est savoureux et plaisant après l'effort que tu as fourni dans la journée. Tu es tu ne peux pas te concentrer sur les conversations qui tournent autour tellement le repas t'es plantureux, t'es agréable et tu te rends pas compte, mais au bout d'un moment tu sens que on tire ta chemise. J'en serais ravi, madame. D'accord. Ah, quel gros bêta celui-là. N'écoutez pas, dame Sépal. Cesse de tourner autour de la dame, mange ta soupe. Passe poursuit, tu achèves finalement avec peine, mais en savourant les dernières bouchées ton repas, tu es rassasié, repu. La peau du ventre vraiment bien tendue. Je vais mourir. Mais c'est agréable et tu sens toute la fatigue du jour reposer, se déposer comme ça en strates successives sur toi. Pas. Voilà, tu n'as qu'une idée, c'est effectivement t'allonger. Mais non, je dois aller avec quelqu'un. Je dois aller avec Fenouille. Tu vas aller promener effectivement avec Fenouille. Oui, bah oui, faut que je le dise. Et donc, tu honores la promenade. Alors, Fenouille a congédié Bobby, il l'a attaché et Queen. Sinon, il va nous embêter, il va faire l'audio tout le long du chemin. Si vous le dites. Ah, mais me tutoyez pas, je suis pas en âge d'être... Vous si tu voyez, dis... Mais vous voyez pas. D'accord, ça vous vieillit, c'est ça? Ouais, mais en fait, si, vous voyez moi. Ça fait plaisir, en fait. J'ai l'habitude. Et donc, il s'avance devant toi, puis te tend la main, fait une espèce de révérence avortée. Allez. Et il te prend par la main, comme ça, et puis nous allons faire le tour du lac ensemble. D'accord. Et il te raconte combien les journées sont longues et bien remplies, à veiller à l'approvisionnement en bois, à veiller à ce que la vieille est terrébente, parce que la vieille, elle a du mal à se déplacer, puis elle est un peu sourde, et puis elle voit plus très bien, alors il faut s'en occuper, alors... Il va lui préparer son frichti à la vieille, et puis il lui sort sa bête, et puis il faut aller mener la bête au champ les jours de labour, ou pour aller traîner le bois, parce que lui il ramène quand même un peu de bois qu'il a été coupé à l'orée de la forêt, parce que il est quand même... il va faire partie de la relève. Donc... lui, là, il aime pas trop aller au bois le soir comme ça, quand la nuit tombe. Mais là, il a pas peur. Hein. Et puis toi, tu dois pas avoir peur. Bonne. Non, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent parmi les arbres et on n'ose plus, aller dans le bois. Le bois est hanté. Il y a des esprits qui à la nuit tombée, les nuits de lune rousse, quand il a plu. Mais là, il n'a pas trop plu ce matin. Alors, même si fin de la balade, hein, on arrive à l'orée du bois, mais n'ayez pas peur, hein, vous êtes avec moi. Et moi, je peux vous protéger. Et il écarte sa redingote et laisse voir la dague de chasse qu'il a au côté. Je suis même équipé comme les chasseurs du régiment de mon frère. Vous voyez, je me prépare. Je suis pas un duo né de la dernière pluie. Alors, je vous protégerai si l'esprit malin il sort du bois et s'approche de nous. Je serai là pour vous, belle Marguerite. Et vous vous approchez de l'orée du bois. Effectivement, vous avez marché longuement. Le lac est assez grand et finit par rejoindre l'orée où des arbres viennent suspendre leur ombrage au-dessus des eaux et vous passez à l'ombre de ceux-ci.